Les Besson croissaient à plaisir, sans être malades plus que d'autres enfants. Et mêmement, ils avaient le tempérament si doux et si bien façonné qu'on eût dit qu'ils ne souffraient point de leurs dents ni de leur croissance, autant que le reste du petit monde. Ils étaient blonds et restèrent blonds toute leur vie. Ils avaient tout à fait bonne mine, de grands yeux bleus, les épaules bien avalées, le corps droit et bien planté, plus de taille et de hardiesse que tous ceux de leur âge. Et tous les gens des alentours, qui passaient par la bourre de la Cosse, s'arrêtaient pour les regarder, pour s'émerveiller de leur ressemblance, et chacun s'en allait disant « C'est tout de même une jolie paire de gars !» Cela fut cause que de bonheur, les Bessons s'accoutumèrent à être examinés et questionnés, et à ne point devenir honteux et sots en grandissant. Ils étaient à leur aise avec tout le monde. On pensa bien pendant 3 mois à les empêcher de trop s'accoutumer l'un à l'autre. 3 mois, c'est beaucoup en campagne, pour observer une chose contre la coutume. Mais, d'un côté, on ne voyait point que cela fît grand effet. D'autre part, M. le curé avait dit que la mère Sagette était une radoteuse et que ce que le bon Dieu avait mis dans les lois de la nature ne pouvait être défait par les hommes, si bien qu'on oublia peu à peu tout ce qu'on s'était promis de faire. Quand l'âge leur vint, on remarqua qu'ils avaient le même goût pour la couleur. Et quand leur tante Rosette voulut leur faire cadeau à chacun d'une cravate à la nouvelle année, ils choisirent tous deux la même cravate, lila, au merci colporteur qui promenait sa marchandise de porte en porte sur le dos de son cheval percheron. La tante leur demanda si c'était pour l'idée qu'ils avaient d'être toujours habillés l'un comme l'autre. Mais les Bessons n'en cherchaient pas si long. Sylvinet répondit que c'était la plus jolie couleur et le plus joli dessin de cravate qu'il y eut dans tout le ballot du Mercier. Et de suite Landry assura que toutes les autres cravates étaient vilaines. Par la suite du temps, tout alla de même, et les Bessons furent habillés si pareillement qu'on avait encore plus souvent lieu de les confondre. Et, soit par malice d'enfant, soit par la force de cette loi de nature que le curé croyait impossible à défaire, quand l'un avait cassé le bout de son sabot, bien vite, l'autre écornait le sien du même pied. Quand l'un déchirait sa veste ou sa casquette, sans tarder, l'autre imitait si bien la déchirure qu'on aurait dit que le même accident l'avait occasionné. Et puis, mes Bessons, de rire et de prendre l'air sournoisement innocent quand on leur demandait compte de la chose.